voiture en route. M3 de porte, M3 capote hardtop. Couleur bleue électrique, climatisé, pas besoin de baisser les vitres. Sono, jeune femme pousse Momo, pousse rien à foutre du coco. Monte les décibels, une main sur le volant, une sur le levier de vitesse. Mais la radio, on est au programme. Y'a les flics, rétrograde, c'est pour les 2 litres turbo. GTI 16S et méga du 7-7. À fond sur l'autoroute, pendant que le son du billet chrono tourne. Quel que soit ton kiff, fais ce que t'aimes, sans te priver, quoi qu'on te dise. Quel que soit ton kiff, fais-le à 100%. 100%. Y'a pas de limite, y'a qu'une limite. Tu fais les choses comme tu le sens. Quel que soit ton kiff, fais-le à 100%. 100%. Y'a pas de limite, y'a aucune limite. Tu fais les choses comme tu le sens. À la main j'ai le Mikey, au pied j'ai les Nike Air Force. Sous mon bonnet j'ai mes dreadlocks. Du feu dans les yeux, prêt à faire fort. C'est mon soir ce soir, j'sors l'arsenal complet, jean calque Nike. Un jonx dans la bouche, je suis à l'aise comme un lion dans la brousse. Pas de jams mais j'brille comme mille éclairs. D'idées vertes, irréelles et comme mes rimes génèrent. Le flux d'énergie, j'atteins le zénith des poules Bercy. Au sommet de mon arc, j'ai plus d'une corde à mon arc. Guette la garde-robe, c'est le week-end et je suis nickel, ce soir je sors. Quel que soit ton kiff, fais-le à 100%, 100%. Y'a pas de limite, y'a aucune limite, tu fais les choses comme tu le sens. Quel que soit ton kiff, fais-le à 100%, 100%. Y'a pas de limite, y'a aucune limite, tu fais les choses comme tu le sens. Rabaisse ta caisse au maxi et roule rapide comme dans un rallye. Allume les anti-brouillards quand il fait beau qu'on te dise tu pèses rouillard. C'est une dédicace pour les amoureux de voiture sur un beat efficace. Monte le volume, c'est ça qu'faut faire. Accélère et pollue l'atmosphère. Sortez double pot, des chapeaux chrome, moteur double corps. Entrée d'air sur le capot, neuf à l'arrière, une boîte de capote. Une bande sono, un beat qui fait boum boum et mon rap pète vroom. Ok, ça va le faire. Fais péter le son de ta caisse en bas de la tête. Quel que soit ton kiff, fais-le à 100%, 100%. Y'a pas de limite, y'a aucune limite. Tu fais les choses comme tu le sens. Quel que soit ton kiff, fais-le à 100%, 100%. Y'a pas de limite, y'a aucune limite. Tu fais les choses comme tu le sens. Rap, style rapide, versatile. Zap, jean baggy, vert kaki. Pas de bluff, j'ai la veste assortie. J'ai qu'à t'as trop de frais, guette ma sortie. XXL, même si j'suis sec. Mystique, mais tu sais que j'ai le feeling, mec. Des vibes et du flow même, des claques c'est du Ralph Lauren. C'est moi je te le dédicace, si t'aimes Ego ou même Benny Miles. Innice, Adidas et tout le reste, sur veste, velours, bref, toujours fresh, tu me connais. Cosse là au Foubou, que ce soit en costard ou en boubou. Nubi donne le hip-hop le plus pur, faites place au b-boy du futur. Quel que soit ton kiff, fais-le à 100%, 100%. Y'a pas de limite, y'a aucune limite, tu fais les choses comme tu le sens. Quel que soit ton kiff, fais-le à 100%, 100%. Y'a pas de limite, y'a aucune limite, tu fais les choses comme tu le sens.